S-I-D-A. Certains y voient la solution idéale à la débauche anale, à la surpopulation inquiétante des Africains. Moi, j'y vois ce spectre immonde décimant les affamés. J'y vois un serpent insidieux décourageant les amoureux et sanctionnant l'individu dissipé ou averti. Si l'immunité dépendait de l'amour, serions imparablement et dûment affranchis du S-I-D-A. S-I-D-A. S-I-D-A. Mais le silence induit la détresse des âmes. Suffisamment informés, déjà affirmons la scandaleuse incompétence de dirigeants arrogants, la suffisante inhumanité de décideurs assassins qui succomberont incontournablement devant l'activisme salvateur d'insurgés demandant aux autorités la sauvegarde inconditionnelle du droit d'asile, la suppression immédiate de la dette accumulée, ces satanés injustes dividendes amassés. Mais seule l'indifférence dégomme l'Afrique, seule l'indifférence détruit l'Afrique, suivi illusion, désespoir, anomie. Seule l'indifférence dégomme l'Afrique, seule l'indifférence détruit l'Afrique, sahéliens, immigrés, dakarois, arabes. Seule l'indifférence dégomme l'Afrique, seule l'indifférence détruit l'Afrique, seule l'indifférence dégomme l'Afrique, et seul le fric donne secourance à la santé, à l'espérance. Mais une décade de décadence n'empêchera pas de danser ce continent qui penche du mauvais côté, acculé par ces enculés de la Banque mondiale qui s'entête à l'endetter. Oui, c'est un crime, mais c'est un cycle étatique à faire bosser les toubibs, la bonne tactique pour faire appliquer les toubabs. Tant bien que mal, les campagnes se vident, réalité sordide, le patient se prend un vent et la santé un bide. Alors on accuse le mauvais sort à les fausses idées fusent, se fige, moi je fustige, labo, consort, oui, je crie fort pour que tu piges, que t'es pas encore mort, alors lève-toi, contre cette hécatombe, lève-toi, ton ignorance creuse ta tombe, la connaissance est une bombe qu'on te pose entre les mains, qui explosera à la face du virus avant demain, qui d'Afrique, d'Amérique en Asie, joue avec nos vies comme à la roulette russe. Attends, c'est pas fini, je clame les capotes gratos pour tous mes potos, et je réclame l'accès aux médocs pour tous avant qu'on clame.